Bismillahirrahmanirrahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter la description du Hajj et de la Umrah, une série de cours donnés par le frère Abdul Hamid al-Jazairi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Dammaj au Yémen. Cours numéro 5, Muzdalifa wa ayyam al-Tashriq, Muzdalifa et les jours du Tashriq. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد dans le cours précédent on avait parlé de Arafa et on est arrivé jusqu'au moment où ça va être le coucher du soleil. On avait dit que ça va être le coucher du soleil, tu vas faire quoi? Tu vas aller peu de temps avant le Maghreb, ou lors du Maghreb, tu vas te diriger vers Muzdalifa. On avait dit que la salat du Maghreb, tu ne vas pas la faire à Muzdalifa. Tu ne vas pas la faire à Arafa, mais tu vas la faire à Muzdalifa. La salat du Maghreb, tu ne vas pas la faire à Arafa, mais tu vas la faire à Muzdalifa. Taïb. Et parmi les choses que j'ai oublié de mentionner et qui me semble ce qui est important, c'est ce qu'on appelle l'ishtirat, au moment où tu te mets en ihram. L'ishtirat, c'est quoi? L'ishtirat, c'est que tu poses une condition. Par exemple, dès que tu vas te mettre en ihram, tu vas dire, tu vas faire ton ihram normal et tu vas dire Allahumma mahalli haythu habastani. Ça veut dire quoi? Allahumma, au Seigneur, mon état de désacralisation va s'arrêter ou tu vas m'arrêter. C'est l'ishtirat, c'est par exemple une personne, elle tombe malade ou il lui arrive quelque chose de grave. Et qu'au milieu du hajj, elle ne peut plus continuer son hajj pour la maladie, ou elle ne peut plus bouger, ou quoi que ce soit. Il y en a quelque chose qui vraiment l'empêche de continuer son hajj. Cette personne, si elle a mis la condition, l'ishtirat, comme on l'appelle, ça va faire en sorte que quoi qu'il arrive, même si elle arrête son hajj en cours de route, pour X raisons, des raisons vraiment sérieuses, vraiment importantes, où il n'a pas d'autre choix. Cette personne, avec cette condition, elle n'aura pas à refaire son hajj, si c'est un hajj tatawwa, aïe, surérogatoire. Et elle ne sera pas athim, elle ne sera pas en tort, elle n'aura pas de commis de péché. Et si la personne, c'est son premier hajj, on appelle ça hajj l'islam, son premier hajj, son hajj obligatoire. Alors cette personne, pareil, elle sera pas athim, mais dès que l'occasion se représentera, elle devra faire son hajj. C'est pour ça qu'Yarni, c'est important de mentionner ce point qui est l'ishtirat. Si quelqu'un, par exemple, il est connu qui tombe souvent malade, qu'il a des maladies graves, que ça peut l'arrêter, ou qu'il y a une raison, c'est bien qu'ils disent à l'ishtirat, Yarni, elle est savante. On parlait sur ça, alhamdulillah. Ensuite, maintenant on va rentrer, inshallah, dans tout ce qui est à Muzdalifa. Une fois que tu as quitté Arafat, tu diriges vers Muzdalifa. Et je voudrais faire le tanbih, attirer l'attention sur certaines erreurs qui sont faites par beaucoup de gens. Et ces erreurs, malheureusement, elles peuvent conduire au fait que le hajj devient batil, devient nul. Parmi ces erreurs, il y a le fait que beaucoup de personnes, durant Arafa, sont en dehors des limites de Arafa. Et il y a des panneaux qui indiquent ou qui délimitent Arafa, donc c'est à toi, Yanni, de faire attention et de te trouver dans la limite de Arafa. que si tu trouves en dehors des limites de Arafat, ton Hajj, il est nul. On a dit que Arafat, c'est un des piliers parmi les piliers du Hajj. Et si tu ne restes pas à Arafat, ton Hajj devient nul, il n'est pas valable. Et les personnes, certaines personnes, elles sont en dehors des limites. Elles restent dans ces limites toute la journée. Ensuite, dès que le soleil se couche, ces personnes, elles font quoi? Elles dirigent à Muzdalifa. Et ce Hajj, il n'est pas sahih, il n'est pas juste. Parce que Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Al-Hajj ou Arafa ». Aïe, le Hajj, c'est Arafa. Tu ne peux pas faire le Hajj si tu ne passes pas à Arafa. Ton Hajj, il n'est pas bon. La deuxième erreur, où il faudra faire le tanbih, c'est que certaines personnes sont à Arafa, elles sont dans les limites dans Arafa. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils partent avant le coucher du soleil. Et ça, ça va à l'encontre de ce que le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam il a fait. Troisième chose, c'est les bousculades. Les bousculades, les gens se bousculent pour escalader la montagne et veulent faire salat sur la montagne. Alors que sur cela, il y a unanimité des savants que c'est une innovation. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam et les compagnons, les tabi'in et ceux qui les ont suivis, yani sur la tariqa de Salaf al-Salih, ils l'ont pas fait. Donc c'est une innovation et nous on n'a pas à le faire aussi. La quatrième erreur, c'est que certains font des du'as en direction de la montagne de Arafat. Alors que ça encore, ça va à l'encontre de la sunna, ça va à l'encontre de ce que Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam est venu avec. La sunna, c'est de faire la direction, les invocations ou les du'as en direction de la Qibla. Ça, c'est des erreurs. Il y en a qui se produisent souvent, vous allez beaucoup voir. C'est pour ça qu'il faut attirer l'attention. Nous, on ne suit pas les gens, mais on suit les dalil. On suit les preuves qui nous sont venues du Kitab et la Sunna. Donc, une fois que le soleil s'est couché et que tu es à Arafat, on dit que tu vas te diriger à Muzdalifa. Et à Muzdalifa, tu vas faire le Maghreb et l'Isha avec un adhan et une iqama pour chaque salat. Tu vas faire le Maghreb en 3 rak'ah et l'Isha en 2. Et si tu es sur la route entre Arafat et Muzdalifa, il va y avoir beaucoup de monde, ça va se bousculer, ça va marcher peut-être doucement, il est possible que tu arrives tard à Muzdalifa. Si toi tu as peur d'arriver à Muzdalifa après le milieu de la nuit, alors tu peux faire salat sur la route. Pour pas que l'heure du Isha, pour pas que tu loupes l'heure du Isha. Tu peux faire salat sur la route, yani comme on a dit, la même description. Et tu vas faire salat al-Isha en quoi? En 2 rak'ah, comme on l'a expliqué précédemment. Et le dalil de tout ça, c'est dans le hadith de Jabir, radiyallahu ta'ala anhu, dans Sahih Muslim, où le savant a dit c'est le meilleur hadith qui décrit le manasik du Hajj. Et dans ce hadith, Jabir, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit quoi? Yihatta ata Muzdalifa fa salla biha al maghrib wal isha. Jusqu'à quand il est arrivé à Muzdalifa, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a fait le Maghreb et l'Isha. Et toi, tu vas passer la nuit à Muzdalifa, et tu vas rester à Muzdalifa jusqu'à Salat al-Fajr. Et il est autorisé, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, a autorisé aux faibles, aux femmes, c'est les vieillards, les personnes âgées, aux femmes, aux enfants, aux malades, et à ceux qui s'occupent d'eux, de rester à Muzdalifa jusqu'au milieu de la nuit. Ça, c'est une rukhsa. C'est une rukhsa qui a été donnée à ces personnes-là. C'est pas tout le monde qui fait ce qu'il veut. Ces personnes qui sont faibles, qui sont malades, qui ont un udr, qui ont une excuse, elles peuvent rester à Muzdalifa jusqu'au milieu de la nuit. Une fois Yannick, que le milieu de la nuit il est passé, elles peuvent se diriger à Mina. Elles vont passer, elles, la nuit à Mina. Tandis que les autres qui n'ont pas d'excuses, eux, il est clair qu'ils restent à Muzdalifa toute la nuit, jusqu'au Fajr. Taïb. Et toi, à Muzdalifa, tu vas faire des adhkar, tu vas faire des doa, des takbir en direction de la Qibla, ça, yani après que tu as fait Salat al-Fajr, le matin. Et ces doa, tu vas les faire yani en direction de la Qibla. Et c'est bien de monter sur la montagne. Là, c'est bien, c'est une sunnah de monter sur la montagne qui se trouve à Muzdalifa. À la différence de l'autre, ou Arafat, où il n'y a pas de dalil. Là, le dalil est venu. Le Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, l'a fait, les compagnons l'ont fait. Yani, c'est bien de le faire si tu peux. Et si tu ne peux pas, yani, tu peux, toi, tout l'endroit où tu es, tant que tu es à Muzdalifa, c'est ça qui est important, c'est ça qui est essentiel. Très. Les gens qui ont pris de l'avance, parmi ceux qu'on a cités avant, et qui vont rester à Mina, ils vont faire quoi? Yani, déjà en allant à Mina, sur la route, ils vont récupérer des cailloux avec lesquels ils vont faire Rami al-Jamarat al-Kobra. Ils vont faire la lapidation de la grande stèle. Et ils vont ramasser 7 cailloux. Ça, yani, c'est pour ce qui va se passer, yani, ce que tu vas faire dès que tu vas aller à Mina, pour les faibles, pour les malades, pour les veillards. Les autres, comme on l'a dit, et je le répète, ceux qui n'en ont pas d'excuses, ils doivent rester à Muzdalifa, passer la nuit à Muzdalifa. Inch'Allah, c'est que je pense que c'est quelque chose qui est clair. Et c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait son hajj. Taïb. Parmi les erreurs qui sont faites à Muzdalifa et qu'il faut éviter, c'est que les personnes ramassent les pierres dès qu'elles arrivent à Muzdalifa avant d'avoir fait Salat. Alors que la sunna, c'est que dès que tu arrives à Muzdalifa, tu fais Al-Maghrib ou Al-Isha. Et certaines personnes pensent qu'il est obligé de ramasser les pierres à Muzdalifa. Et ça aussi, c'est une erreur. Il n'y a pas de dalil qui viennent et qui disent comme quoi c'est une obligation de ramasser les pierres à Muzdalifa. D'autres, parmi encore les erreurs, pensent ou font quoi? Lavent leurs pierres. Alors que là aussi encore, il n'y a pas de dalil ou il n'y a pas d'acte parmi les sahaba qui est venu comme quoi ils lavaient leurs pierres. Ça, c'est une innovation. Nous, on n'a pas à faire. Yani, la meilleure des guidées, c'est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Ça, c'est ce qui va se passer à Muzdalifa. Et là, on est au 9e jour. Taïb. Maintenant, on va parler du 10e jour. Le 10e jour de Zulhijja, qui est Yom al-Nahr, ay, le jour du sacrifice. Taïb. Qu'est-ce que tu vas faire ce jour? Pour ceux qui ont passé la nuit à Mina, c'est-à-dire les faibles, les vieillards, les malades, les femmes, et ceux-là, ils vont faire quoi? Ils vont faire Salat al-Fajr à Mina. Une fois qu'ils vont faire Salat al-Fajr, ils vont se diriger vers les Jamarat pour les lapider. Mais il faut faire attention que les Jamarat, elles doivent être lapidées après Tula'a Shams, après le lever du soleil. C'est pas tu as fait Salat al-Fajr et tu vas sur la pyramide. Non, c'est après le lever du soleil. Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il a donné une rukhsa, il a donné une excuse aux faibles pour dormir à Mina, mais il leur a pas donné l'excuse ou pour lancer les pierres au Fajr. Il faut savoir que c'est après Toul al-Shams. Et que le temps que les autres vont arriver de Muzdalifa, de Muzdalifa, tu as largement le temps, puisque ils vont faire la route, ils seront à Muzdalifa, alors que toi tu seras déjà à Mina, tu auras déjà tout fait, tu seras à côté de Jamarat. Donc tu auras le temps de lancer les pierres et de partir avant que le deuxième groupe il arrive. Une fois que tu auras lancé les pierres, après le shuruq, il faut savoir que après le lever du soleil, tu vas lancer les pierres sur la plus grande des Jamarat. Jamarat al-Aqaba, ou al-Kubra. C'est laquelle? C'est la dernière en venant de Muzdalifa. Dès que tu viens de Muzdalifa, tu vas avoir trois Jamarat. Et toi, ça va être la dernière, ça va être la plus grande. Et si tu viens de Mina, ça va être la première en venant de Mecca. Tu te mets en face de la Jamarat de manière à ce que Mecca soit sur ta gauche et Mina sur ta droite. Après, tu vas lancer les cailloux un par un. Et après chaque caillou lancé sur la Jamarat, tu vas dire Allahu Akbar. Le premier caillou, Allahu Akbar. Deuxième, Allahu Akbar. Troisième, Allahu Akbar. Il a akhiré. Et ça, c'est comme il est venu dans le hadith où il t'a rapporté que Rasul Islam, Yukabbir ma'akul hasa. Kana yukabbir ma'akul hasa. C'est-à-dire qu'il faisait le takbir après chaque lancée de pierre. Dès que tu vas jeter ta dernière pierre, à ce moment-là, tu vas arrêter, yani la talbiya, et tu vas faire le takbir de l'Aïd. Et tu vas dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Ça, c'est une formule parmi tant d'autres. Et toi, tu choisis celle que tu veux. Il n'y a pas d'importance dans le choix de la formule, tant que c'est venu dans la sunna. Et ensuite, quant à ceux qui ont passé la nuit à Muzdalifa, eux, peu avant le lever du soleil, ils vont se diriger vers les Jamarat. Ils vont passer devant la première, la deuxième, la troisième, et à la troisième, ils vont s'arrêter et ils vont faire exactement comme on a dit pour ceux qui avaient une excuse, c'est-à-dire ils vont lancer cette pierre, après les sept pierres, après chaque pierre, ils vont faire le takbir. Et dès qu'ils auront terminé de lancer les pierres, ils vont arrêter de faire la talbiya et ils vont faire le takbir de l'Aïd, exactement comme les autres. Une fois que la Jamarat al-Kubra a été lapidé, tu vas rentrer dans ce qu'on appelle al-tahlil al-awwal, c'est-à-dire le premier état de désacralisation. Une fois que tu vas avoir lancé la Jamarat al-Kubra, tu vas avoir terminé, tout ce qui t'était interdit durant ton état d'ihram te devient autorisé sauf les femmes. C'est-à-dire que tu peux remettre ton qamis, tu peux mettre du parfum, tu peux te couper les ongles, etc. Ça, c'est le premier état de désacralisation, mais les femmes, elles te sont interdites. Et ça, même si tu n'as pas égorgé ta bête ou tu t'es pas rasé la tête. Mais il faut savoir que tu ne sors pas de l'état d'ihram tant que tu n'as pas fait tawaf al-ifada dans la même journée. Je m'explique. Ça veut dire que, ce que je veux dire, c'est qu'une personne, elle a fait le rami par exemple. Le rami il a été fait, alhamdulillah. Puis cette personne, elle va faire quoi? Elle va remettre son qamis, elle va se remettre du parfum. Faut que dans la même journée, elle fasse tawaf et l'ifada. Ça, c'est un point qui est important. Il faut que dans la même journée, elle fasse tawaf et l'ifada. Parce que si elle ne fait pas tawaf et l'ifada, elle est obligée, yani, après ça, de revenir à son état d'ihram. Donc, toi, dans la même journée, c'est important, j'insiste sur ce point, il faut que tu fasses tawaf et l'ifada pour sortir de ton état d'ihram. Après, yani, il y a un ordre à respecter qui est dans la sunna. Et c'est-à-dire, après avoir fait le rami, Jamarat al-Kubra, l'ordre c'est le suivant. Tu fais le sacrifice, tu te rases les cheveux, tu fais le tawaf et le sa'i. Ça, c'est la sunna. C'est mieux de le faire dans cet ordre. Maintenant, si tu ne respectes pas cet ordre, c'est pas grave. C'est pas grave, yani, suivant le hadith dans lequel yani, il est rapporté que c'est quoi ? Ma su'ila an-nabi an shay qaddima aw akhira illa qal if'al wa la haraj. Dans ce jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été questionné ou interrogé sur une chose ou sur un rite accompli d'avance ou en retard sans dire fait, il n'y a aucun mal à cela. C'est-à-dire qu'on a dit que le sacrifice, normalement, c'est la première chose. Si maintenant, moi, je veux, yani, je vois que pour aller au sacrifice, il faut aller à tel endroit, ça va prendre du temps, et que couper les cheveux, c'est quelque chose qui va me prendre 30 secondes. Je vais par exemple devancer le fait de se couper les cheveux, c'est quelque chose de rapide. Je vais aller faire tawaf sa'i, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'il yani, faut que je le fasse dans une journée, comme ça, moi, après, je suis apaisé, je suis murtah. Si toi maintenant tu peux tout faire ça dans la journée, tu peux faire le sacrifice, te rager les cheveux et faire tawaf sa'i, c'est le meilleur, l'échec, parce que c'est la sunna. Et tout ce qu'il y avait dans la sunna, il n'y a aucun doute, c'est toujours meilleur. Il n'y a pas de doute à avoir sur ce point-là. Donc, une fois que le rami a été fait, si tu peux faire le tout dans la même journée, c'est bien. Sinon, il t'est autorisé de faire par exemple, le reste dans Ayyam al-Tashriq. Mais j'insiste encore, al-Tawaf al-Ifada, en histoire, hatta t'es mutmain, hatta t'es apaisé, fais-le dans la même journée. Ou si tu ne veux pas le faire dans la même journée, tu jettes al-Jamar al-Kubra, mais tu restes en état d'Ihram, et si tu veux, tu fais le Tawaf al-Ifada demain, après-demain, etc. Mais moi, je te dis ça pour te faciliter. Et c'est meilleur pour toi. Moi, tu es soulagé, tu n'as pas de soucis. Et par exemple, je vais te donner ce que je te conseille de faire. Si tu ne peux pas tout faire la même journée, je répète encore. Et j'insiste sur ce point. C'est si tu ne peux pas faire la même journée. Si tu veux tout faire la même journée, alhamdoulilah. Si tu ne peux pas faire tout la même journée, yani le dixième jour, yom al-nahar, qu'est-ce que tu fais ? Par exemple, tu vas faire le rami. Ça, tu l'as fait. Ensuite, tu vas te raser les cheveux parce que c'est quelque chose qui ne prend pas beaucoup de temps. Sur la route, il y a des coiffeurs. Ça leur prend 2 minutes et ils te rasent. Alhamdulillah. Après, tu vas faire quoi? Tawaf al-Ifada. Tu vas au Masjid al-Haram. Tu vas tawaf al-Ifada. Je voudrais aussi qu'on parle un peu du rasage des cheveux. La coupe de cheveux. Le mieux, est ce qui est préféré, ce qui est venu à la sunna, c'est de tout couper. Vraiment, de laisser aucun cheveu. Comme dans le hadith qu'on va mentionner un peu plus tard. Ça, c'est le meilleur. Maintenant, si tu diminues un peu, par exemple, tu passes la tondeuse à je sais pas moi, 3 mm, la baisse. Tu passes ton tondeuse. L'essentiel, c'est de couper les cheveux. Il y a quelque chose qui tombe. Mais le meilleur, c'est de couper à blanc, pour qu'il ne se reste rien. Et pourquoi je dis que c'est le meilleur de te couper? Parce que il est venu dans la sunna, où le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, il a dit Allahumma arham al-muhalliqin. Qalu wal muqassirin ya Rasulallah. Qal Allahumma arham al-muhalliqin. Qalu wal muqassirin ya Rasulallah. Qal Allahumma arham al-muhalliqin. Qalu wal muqassirin ya Rasulallah. Falamma kanat fi ar-rabi'a qal wal muqassirin. La traduction de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, yani ce jour-là, Allahumma arham al-muhalliqin, Allah fait miséricorde à ceux qui se rasent les cheveux en totalité. Les compagnons, dès qu'ils ont entendu ça de prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, Ya Rasulallah, il y a ceux qui ont diminué. Et Rasulallah, la deuxième fois, il a fait Allahumma arham al-muqassirin, Allah fait miséricorde à ceux qui ont coupé leurs cheveux en totalité. Les compagnons, ils ont dit, ils ont répété, Ya Rasulallah wa al-muqassirin. Yani, il y a ceux qui ont diminué, qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui ont diminué. Rasulallah, la troisième fois, il a répété, Allahumma arham al-muhalliqin. Et les compagnons, ils ont redit, Ya Rasulallah wa al-muqassirin, il y a ceux qui ont diminué. Et à partir de la quatrième fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une dua pour ceux qui ont diminué. À travers ce hadith, on voit de manière claire que le rasage des cheveux en totalité est meilleur, parce que Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il leur a fait trois fois la dua, si on regarde par rapport à qui ? À ceux qui ont diminué les cheveux. Tu peux diminuer, tu as le droit. Ensuite, il y a une question qu'on pourrait se poser. Et c'est la suivante. Si une personne, elle est chauve, c'est-à-dire une personne qui n'a pas de cheveux, est-ce qu'elle se rase ? Est-ce qu'elle doit se couper ? Est-ce qu'elle doit se passer, par exemple, le rasoir sur la tête ? Les savants ont dit, pour une personne qui n'a pas de cheveux, son jugement est le même que pour une personne à qui il manque un membre. C'est-à-dire que si une personne, par exemple, il lui manque un bras, le fait qu'elle n'ait plus ce bras, elle ne peut pas faire l'ouzou sur ce membre. Donc, ils ont fait un qiyas, ils ont fait le cheveu, c'est pareil. Si la personne qui est chauve, elle n'a pas de cheveux, elle ne va pas se couper ce qu'elle n'a pas. Et ainsi, il y a le but de se passer le rasoir sur la tête, c'est qu'il y a des cheveux qui tombent. Si la personne est chauve, il est clair qu'il n'y a rien qui va tomber. Maintenant, si une personne, ça c'est un jugement qui est spécifique à ceux qui n'ont pas de cheveux. Ça veut dire que dès qu'ils vont, ils n'auront pas à faire le rasage des cheveux. Cette étape, elle aura supprimé. Mais si une personne, elle a que quelques cheveux, même minimes, mais elle a des cheveux, elle, à la différence de la personne qu'on a dit précédente, elle doit se couper les cheveux, même si elle en a que très peu. Quant à la femme, yani, comme on a expliqué dans la Umra, elle fait exactement la même chose. Elle ramène ses cheveux à l'avant, elle les entoure autour, elle les coupe la taille d'une phalange. Le même cours que dans la Umra, toi tu peux retourner et tu peux mettre yani, coupe de cheveux, voire cours de la Umra. Ensuite, toi tu vas te diriger où ? Tu vas te diriger à, une fois que tu as fait ça, tu vas te diriger à Mekka pour faire ton tawaf et ton sa'i. On a dit que tu pouvais faire certains actes avant d'autres. Mais pour ce qui est du tawaf, tu ne peux pas faire, et j'attire l'attention sur le point, tu ne peux pas faire le sa'i avant le tawaf. Tu ne fais pas le sa'i avant le tawaf. Tu fais le tawaf, ensuite le sa'i. Il faut que ce soit clair. Donc, toi, tu vas faire quoi ? Tu vas aller à Mekka, tu vas faire ton tawaf, ce qu'on appelle le tawaf al-ifada. Le tawaf al-ifada, il se divise en trois. Le tawaf, il se divise en trois catégories. Tu as le tawaf al-qudum, qui est dès que tu as fait ta umra, tu as fait ton premier tawaf, c'est le tawaf al-qudum. Tu as le tawaf al-ifada, c'est celui que tu fais après le rami al-jamarat. Celui-là, c'est le deuxième. Et tu as le tawaf al-wada, qui est le tawaf d'adieu, c'est celui que tu vas faire avant de partir de Mekka, avant de rentrer chez toi. Les tawafs, c'est les mêmes. Les tawafs, c'est exactement les mêmes. Sauf, tawaf al-ifada, il a quelque chose qui va se différencier, qui va le différencier de Tawaf al-Qudum. Tawaf al-Qudum, on a dit quoi? Si tu te rappelles bien, est-ce comme tu as noté, on a dit que dès que tu vas arriver, tu vas pour Tawaf al-Qudum, tu vas faire ce qu'on appelle le Ramal. Ramal, c'est que tu vas faire les trois premiers tours au pas de course. Tawaf al-Ifada, non, tu fais tes cours, tu fais tes tours normal, tu marches. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est que Tawaf al-Ifada, tu ne vas pas te découvrir ton épaule droite, comme on l'a dit, pour Tawaf al-Qudum. Tawaf al-Ifada, tu vas le faire avec ton épaule couverte, normal. Dès que tu découvres ton épaule, c'est seulement pour Tawaf al-Qudum. C'est la seule différence qu'il y a entre les deux Tawaf. Une fois que tu as fait ton Tawaf, tu vas faire quoi? Tu vas boire de l'eau Zamzam. Tu vas boire de l'eau Zamzam et tu vas faire Rak'atayn, deux unités de prière derrière le Maqam Ibrahim, comme on l'a expliqué dans le cours de l'Umra. Toi, Yannick, tu revois au cours où tu mets voir cours sur le Tawaf, ou autrement tu renotes ce qu'on a dit dans l'Umra à cet endroit. Là, c'est toi qui vois ce qui est le mieux pour toi. Ensuite, après avoir fait le Tawaf, tu vas faire le sa'i, comme on l'a expliqué pour la Umrah. Exactement le même sa'i, il n'y a aucune différence. Si après ça, tu peux faire le sacrifice, tu as du temps pour faire ton sacrifice, Alhamdulillah. Et pendant que tu es à Mecca, si par exemple maintenant tu arrives, tu fais tout ça, et c'est l'heure par exemple du dhuhr, tu es à Mecca, tu fais ton dhuhr. Une fois ton salat est fait, tu fais quoi? Tu retournes à Mina. T'as eu. Et parmi les erreurs courantes, ce sont les suivantes. C'est que la première erreur, c'est que certaines personnes pensent que dès que tu fais le rami, et le jeté de pierre, tu es la pitch shaitan. Alors que ça, il n'y a aucun dalil sur ça. Il n'y a pas un dalil, un hadith clair qui dit celui qui jette les pierres, c'est comme jamais il a pu shaitan. Non, ça, il n'y a pas de dalil. Et je te pose toi la question, Yarni, il faut avoir un peu de haq, un peu de raisonnement. Est-ce que tu crois que shaitan, il va venir et il va se poser là, il va attendre qu'on lui lance des pierres? Ça, c'est une aqida qui est bâtila. Il n'y a pas de dalil sur ça. Et beaucoup de awam, beaucoup parmi les musulmans pensent que pendant le rami, ils jettent des pierres sur Shaitan. C'est pour ça que des fois, ils jettent des grosses pierres, ils jettent des sandales, ils jettent des bâtons, ils insultent Shaitan. Et presque, ils délaissent le takbir, ce qui est demandé. Et yani, de cette façon-là, Shaitan, il les a eus d'une manière qu'ils ne se rendent même pas compte. Shaitan, ça ne lui fait rien que tu l'insultes. Ça ne va rien lui rajouter à ça. Ça ne va rien lui rajouter, tu vois. Mais lui, il t'aura fait perdre une ibadah, le takbir. Et le takbir, il a été fait, c'est une ibadah qui est mashrou'a dans le kitab, dans la sunna. Takbir après le chaque pierre, c'est une ibadah qui est mashrou'a dans la sunna. Mais que tu viens, que tu insultes Shaitan, tu lui dis, tu m'as poussé à faire ça, il n'y a pas de dalil. Yani, Shaitan, il n'est même pas là. C'est que tu l'appuies, c'est pas Shaitan, c'est ça qu'il faut te mettre en tête. Barakallahu fik. La deuxième chose, c'est les bousculades. Les bousculades, alors qu'il faut avoir du quoi? Du houdou, de la sakina, de la rahma. Parce que je veux dire, avec toi, t'as des autres pèlerins, c'est tes frères. T'as pas à les pousser, à les bousculer, non. De la rahma pour eux, comme toujours qu'ils en ont avec toi. Et parmi aussi les erreurs, c'est que certains jettent les pierres. Comment? Ils jettent leurs sept pierres d'un seul coup. Et ça, yani, c'est une khata. Ça n'existe pas. On a dit dans le hadith précédent où le prophète sallallahu alayhi wa sallam kan yukabbir ma'a kul hasa'ih, yani il faisait le takbir avec chacune de ses pierres. C'est pas il a fait le takbir en jetant les sept pierres en même temps. Ça, c'est parmi les erreurs sur lesquelles il faut attirer l'attention. Ensuite, ça c'est pour la journée du 10. Ça c'est ce qu'il fallait faire la journée du 10. Toi, il y en a dans ton cahier, tu peux marquer journée du 10. Voilà le programme qu'il faut faire. Voilà ce qu'on doit faire la journée du 10. Ensuite, on va rentrer dans Yom HaTashriq. C'est quoi Yom HaTashriq? C'est les 3 jours qui sont après Yom HaNahar. 11, 12, 13. Et si on compte Yom HaNahar, ça fait 4 jours. C'est pour ça qu'ils appellent ça Al-Aïd Al-Kabir, le grand Aïd. Si la veille ou si le jour d'avant, Yanni, t'as pas fait ton dhabh, t'as pas fait ton sacrifice, tu peux le faire le 11e jour. Et t'as jusqu'à la fin de Ayyam al-Tashriq pour faire ton dhabh. C'est-à-dire jusqu'à la fin, jusqu'à avant le coucher du soleil, Yanni, tu peux faire ton dhabh. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أيام تشريق ذبح يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال tous les jours de tashriq sont des jours pour égorger. Maintenant, si tu n'as pas les moyens pour acheter un mouton ou que tu n'en as pas trouvé, alors dans ce cas-là, tu vas devoir jeûner 3 jours. Comme il est venu dans l'aïa où Allah subhanahu wa ta'ala il a dit فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَسِيَامْ ثَلَاثَ أَيَّامَ فِي الْحَجِ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire celui qui n'a pas trouvé, il devra jeûner 3 jours durant le hajj et 7 jours en retournant chez lui, en retournant dans son pays. Et t'as le choix où tu fais ton siyam. Ça c'est dans le cas où tu n'as pas trouvé de quoi égorger, tu n'as pas les moyens d'égorger. Ou tu fais yani ton siyam ayyam al-tashriq comme il est venu dans la sunna où Aïcha ibn Omar radiyallahu ta'ala anhumma ils ont dit lan yuraqas fi ayyam al-tashriq أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'a été autorisé à personne de jeûner durant Ayyam al-Tashriq sauf la personne qui n'a pas trouvé de quoi égorger. Et aussi tu peux faire après ta Umrah suivant le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam il a dit دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. يعني la عمرة elle est rentrée dans le hajj, où la عمرة fait partie du hajj jusqu'au يوم القيامة, jusqu'au jour des comptes. On peut se poser la question aussi, est-ce que il faut faire les 3 jours consécutifs et les 7 jours consécutifs? Les savants, ils ont dit, ce n'est pas une condition de les faire consécutivement, de les faire d'affilée. Tu peux les séparer. Parce que dans la ayah, il n'y a pas quelque chose qui dit, il faut faire ce siyam consécutif. Par exemple, dès que tu regardes d'autres ayahs du Coran, ou par exemple, quelqu'un qui a tué une autre personne par erreur, celui-là, il est venu le nas comme quoi il doit jeûner 2 mois consécutifs. C'est bien précisé consécutif. Tandis que là, non, il n'a pas précisé. Donc, à partir de là, on dit que ce n'est pas une obligation de jeûner les 7 jours consécutivement, ni les 3 jours. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que Yanni, vous pouvez vous associer pour un mouton, pour une vache ou un chameau. C'est-à-dire, vous pouvez cotiser 7 personnes et vous réunir pour acheter, pour que les 7 personnes achètent en même temps un chameau ou une vache. Mais quant au mouton, c'est un mouton par personne. Tu peux pas dire, ouais, viens, on va se cotiser, on va se mettre 7 pour acheter un mouton. Non. Ça, c'est venu, c'est spécifique en ce qui concerne la vache et le chameau. Comment tu égorges? Il y a une manière d'égorger qui est la suivante. D'abord, il faut savoir que tu mets ta bête en direction de la Qibla. C'est ça la sunna. Tant si tu la mets pas en direction de la Qibla, ça ne veut pas dire que ta bête elle est pas bonne. Non. Mais le meilleur, c'est ça. C'est que tu la mettes en direction de la Qibla. Et tu la fais coucher sur son côté gauche. Et tu vas mettre ton pied droit sur son côté droit. Et tu dis quand tu l'égorges, Bismillah, Wallahu Akbar. Si maintenant tu dis Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma inna hadha minka, walaka, Allahumma taqabbal minni, c'est sahih. Et c'est meilleur. Mais si tu suffis en disant Bismillah, Allahu Akbar, yajouz, yakfi. Ton zabh, il est sahih. Et si tu dis l'autre formule, c'est meilleur, l'achèque. Je vous donne la traduction. Ça veut dire quoi? Bismillah, Allahu Akbar, ça tout le monde connaît. Allahumma inna hadha minka, yani Allah, oh Allah, ça vient de toi. Et c'est pour toi. Accepte, yani cette offrande de ma part. Tayyib. Maintenant, on va parler des ayyam at-tashriq. Il faut savoir que ayyam at-tashriq, ça commence la veille du 11 de Dhul Hijjah. Yani après avoir fait ton tawaf, le jour du sacrifice, tu retournes à Mina pour y rester 2 ou bien 3 jours. قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. Ça veut dire quoi? Quiconque se dépêche à partir au bout de 2 jours, celui-là, il n'a aucun péché. Et quiconque reste 3 jours, il n'a aucun péché pour celui qui est pieux. Et il est clair que, dernier, je conseille, et que c'est meilleur, que tu restes au Hajj durant tes 3 jours. Que tu restes à Mina durant 3 jours, c'est meilleur, c'est la sunna. Et tu as plus de Hajj, parce que tu as appliqué une sunna. Mais celui qui part au bout du 10e jour, il a le droit, dernier, on ne peut pas lui ankar. Allah il lui a autorisé, c'est pas à toi d'ankar à quelqu'un qui part au bout de 2 jours. Mais le meilleur c'est de rester 3 jours comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait. Et la majorité des savants ont dit que celui qui veut rester 2 jours à Mina, alors il doit quitter Mina, ça c'est important aussi, il faut bien le noter. Si tu comptes rester 2 jours à Mina, alors il faut que tu quittes Mina avant le coucher du soleil du 3e jour, yani avant la veille du 3e jour. Si après le coucher du soleil, c'est le 2e jour, khalas, le Maghreb est arrivé, tu es toujours à Mina, alors là, tu es obligé de rester le 3e jour. Et les savants qui ont dit ça, ils sont appuyés sur un hadith, sur la ayah, et ils ont dit, فَمَنْ تَعَجَلَ فِي يَوْمَيْنِ. Et celui qui part au bout de 2 jours. Et ils ont dit, al-yom, c'est le jour. Et le jour, c'est connu, c'est la journée, c'est pas la nuit. À partir de là, ils se sont dit que tu dois rester à Mina 3 jours si tu ne pars pas avant le coucher du soleil. Et ce qawl, cet avis, c'est l'avis de Omar ibn al-Khattab, et c'est aussi l'avis de son fils, Abdullah ibn Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma. Inch'Allah. Donc, durant ces 3 jours, on va faire quoi? Durant ces 3 jours, on va faire le rami. Mais cette fois-ci, des 3 jamarat. Tu vas faire le rami des 3 jamarat, qui est Al-Sughra, la petite, Al-Wusta, la moyenne, et Al-Kubra, qui est la grande. Et il faut que tu fasses le rami. À quel moment? Il faut que tu fasses le rami après le Zawal. Ba'd al-Zawal. C'est-à-dire, tu veux que tu lances tes cailloux. Après Zawal, c'est environ, on va dire, à l'heure du Dhuhr. Et là, ce jour-ci, Ayyam et Tashriq, tu vas lancer tes cailloux sur les trois jamarat. La petite, la grande, la petite, la moyenne et la grande. C'est-à-dire que tu vas lancer par jour 21 cailloux. Comme tu dois lancer 7 pierres par caillou, 7 pierres par jamarat, et il y a 3 jamarat, ça fait 21. 3 fois 7, 21. Et tu n'as pas le droit de faire le rami avant Dhuhr. Les jamarat, elles doivent être lapidées. Après Dhuhr, c'est une obligation. Toi, tu n'as pas le droit de les lapider avant. Et tu as, yani, jusqu'à la nuit pour le faire. Comme il est venu dans le hadith où un sahabi a dit « Ya Rasulallah, amsaytu ma ramayt » yani, « Ya Rasulallah, la nuit elle est tombée et j'ai pas fait le rami. » Rasulallah il a dit « Ifhal wala haraj » yani, « Fait, il n'y a pas de mal à cela. » Les savants ils sont appuyés sur ce dalil pour dire que tu pouvais faire le rami même la nuit. C'est pour ça qu'Yarni, si toi tu as peur qu'il y ait beaucoup de monde, et c'est connu, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une habitude, c'est qu'ils vont, ils vont faire ça aux premières heures. Toi, si tu veux qu'il y ait beaucoup de monde, ça. Il y en a qui ont essayé, ils ont vu que après l'Asr, il y a moins de monde et c'est plus tranquille. Donc toi, tu peux attendre après l'Asr, fais après l'Asr, t'es tranquille, tu fais doucement, tu vas attendre la dure. Une fois que tu as fait le rami de quoi? Une fois que tu as fait le rami de la première jamara, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller par exemple la première jamara, c'est la plus petite, tu vas prendre tes 7 pierres, tu vas dire bismillah. Tu vas dire Allahu Akbar, tu vas jeter ta première pierre. Tac. Ensuite, tu vas te décaler et tu vas faire des do'as. Des do'as, et comme Rasulullah il a fait, il a levé ses mains en direction de la Qibla et il a fait beaucoup de do'as. Et toi, yani, il profite de ce moment, c'est encore un moment où, si tu regardes bien, yani, Rasulullah il a poussé à faire des do'as. Et je t'aide dans les do'as, c'est une ibada qui est azima. C'est une ibada qui est, c'est une grande ibada, il ne faut pas la négliger, barakallahu fik. Taïb. Si avec toi maintenant tu as des personnes âgées ou des enfants qui ne peuvent pas jeter, yani tu peux jeter pour eux. Tu peux jeter pour eux, yani tu vas prendre leur pierre et tu vas faire tout ça à leur place. Et certaines personnes ont avec eux des femmes qui ont la capacité de faire le ramé. Et eux, ils font quoi? Ils font une erreur qui est pas acceptable. C'est qu'ils jettent à la place de leur femme. Parce qu'ils ont peur de la foule, ils ont peur du bousculage. Et ça, c'est une erreur. Si ta femme, ta mère ou ta sœur est dans la capacité de jeter, alors c'est elle qui jette. Et comme on l'a dit, tu as le temps. Tu as la nuit, le monde il va diminuer. Et toi, à la coulée, il faut qu'elles fassent leur ami elles-mêmes, si elles ont la capacité, si elles n'ont pas d'excuses. Inch'Allah, c'est n'ektafi bihad al-qadr. On va se contenter de ça. Inch'Allah, demain, on parlera du reste du cours, de ce qu'il y a. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.